Pour habitude, la même attitude, les poches raides et rudes, d'être en rade, beaucoup de lassitude, les factures, les ruptures de contrats, casse la sculpture de nos projets, le point de suture, Hamdoullah, pas de cassure, nos, ma peau noire en caisse dure, c'est sûr, à cette vie, je lui fais trop de morsure, ça me rassure, et rassure les autres, bien sûr, trop consommé de cure, de faillite, les belles voitures, circulent mon pied au mur, je murmure, seule ma vie n'est radure, je t'assure que je vais quand même gravir ce mur, mon RAP pur, laissez les gens chiens, donne des idées impures. Et torture. Expérience, texte triste et dense. 2004, ah j'pense. La merde gagne du terrain, trop de conséquences. Et les gosses lancent projectiles, guerre d'indépendance. Vous connaissez la rue et ses souffrances. Mode débrouille, donc qui parle de délinquance. Voici la tragédie de Madame France. Celle dont le string mouille avec aisance. Petit, ici on avance avec prudence. Hexagone milieu de manigance. Flic pourri, bavure et raquette de substance. HLM et nos coins de violence. Contre les forces de l'ordre, confie à outrance. Science de rue, défense des zones exclues. Je présente aux jeunes experts en finance. Ça parle de chiffres, produits illicites, pas besoin de licence. Connaissance sur un thé, loin du silence. Si l'un de nous se fait péter, voilà donc la résistance. Contre un système, contre la grande puissance. La dame de fer le sait, elle écarte qu'on puisse la pénétrer. Ça sature en France. CHF en connivence. Trop de tête dure, ma vie impure et sature. Ça traîne vie sans rature et peu de blessures et sature. Hip hop en rupture, de valeur sûre, ma vie impure et sature. Regarde la France, ses sales notes et sa résistance. Ses rapports avec notre enfance, on sature par expérience. Conséquence du HF de l'île sous haute fréquence. Comme en rien que je suis, endure le bien à l'épaule, le mal à la queue, durci. À force de trop baigner dans la ruse, m'endurcis. Pointure 92, coup de chaud à la censure. Suivi d'une ceinture, allure devant les arbres, coup de kilomètres sans bitume. La nature de l'homme est détruire la nature. Circoncis donc, première torture, nécessaire à affronter cette vie remplie de raclure. Torture, qu'à trop de clôture, veulent nous faire manger soi-disant du porc pur, hip hop pur. Le plus dur, rester maître et mature. Là où je sature et endure. Une tête dure, ma vie impure et sature. Ça traîne vie sans rature et peu de blessures et sature. Hip hop en rupture, de valeur sûre, ma vie impure et sature. Regarde la France, ses sales notes et sa résistance. Ses rapports avec notre enfance, on sature par expérience. Conséquence du HF de l'île sous haute fréquence. Dans mon style d'écriture, je sature. Là où j'endure, là où trop de bavures. Dans nos rues, barge motivée. Si on rappe, c'est pour le peuple en crise. Motivé, là où on nous manipule sans scrupule. Sature, mais je vais pas me tuer. Le suicide, on l'a écroué. Et à force de saturer, on peut dire qu'on est tous habitués. Un HF de l'île, sature, mais motivé. Regarde la France, ses sales notes et sa résistance. Ses rapports avec notre enfance, on sature par expérience. Conséquence du HF de l'île sous haute fréquence. Trop de tête dure, ma vie impure et sature. Ça traîne vie sans rature et peu de blessures et sature. Hip hop en rupture, de valeur sûre, ma vie impure et sature.